Exercice 5, page 64. Heureuse, peureuse, eux deux, mieux que. Doudou, toutou, coucou, nounours. Mousseux, coupe-feu, coûteux, coureuse. Deux jours. Deux tours, deux roues, deux trous.